Ok, ok, mon pote. RIFA. Écoute. RIFA, je débarque et marque un premier impact. Dans le rap, je suis un pas, mais méfie-toi, j'en ai pas deux. Je te parle de mon vécu en bas des HLM. Ici, le cash, on l'aime, c'est un gros vice chez l'homme. Je viens, j'ai là mon flow en visant haut de l'échelle. À ce qui paraît, faut lécher pour monter dans cette vie de chaîne. Pas besoin de payer des feats pour faire que du son frais. Moi, je pratique le rap vrai, accompagné de mes frères. La tactique, on l'a, mec, y'a pas de type imbattable. Quand je rappe, je vous laisse les miettes, y'a pas le temps de se mettre à table. Au bâtard, je viens la mettre, les rats, je pète un câble. Moi, j'écris sans arrêt. J'tire mes balles près du mic. Ce que je dis ça vient du cœur. La street m'a éduqué. Trop d'MC qui m'écœurent. Pour ça que je te dis que je viens pour creuser l'écart. MC rentre au vestiaire. RIFA 2010. Dans le rap j'investis, ouais. Dans le rap j'investis, ouais. Quand je rappe il faut que ça pète. Donc je presse le détonateur. Beaucoup font les vedettes, mais j'en ai vu des tonnes à terre. Les problèmes sont dans la rue, mais les soucis sont dans ma tête. Alors c'est pour ça que j'évacue avec un spliff devant mon texte. Là tu ne pars aussi vite que ce que tes frites sur ta red bar. Là tu me reconnais, fils. Quand je rappe, non je m'arrête pas. J'rappe ma vie, j'rappe ma rue, j'rappe ce qui se passe ici. J'rappe pour les gars qui, quand j'pose, me font si. J'amorce la spie à la résine, taille MC à la racine. Et même si on paraît zen, sur un beat on assassine. Tout ce qu'on dit, ouais, on l'assume. Et désolé si t'as le seum, devant le micro on assure. Avec des 16 qui t'assomment. RIFA, ouais, c'est mon blaze, baisser les bras, c'est pas mon genre. On a le style, on a les phases. Et non, j'écoute pas les gens, écarter les jambes. Non, pour ça j'suis pas partant, j'opère dans le RAP. J'compte pas finir perdant. La vie est un combat où faut tout faire pour être le vainqueur. J'parle de mes galères, même si y'a que ça. Aux infos de 20h, cousin, j'ai une big dalle et j'rappe pas pour faire style. J'veux pas faire un truc nasse comme la gaffe et son big deal. Moi j'reste vrai, j'dis pas de la merde dans mes sons. Pas comme certains MC qui font que mordre à l'hameçon. J'ai l'écriture dans le sang et la rime, tu sais, j'aime ça avec un passé bouleversant. L'inspire fait des cascades, d'ici faut qu'on se casse. Car la street casse des tibias entre Fonscar et Lascar. Je m'applace chez les tibiens, devant ma feuille je plane. Telle info qu'on libre, j'connais la vie de Jekar. Mais j'parle pas de gros calibre dans le rap, j'me focalise. Le 8-9 est localisé, tu pourras voir. Dans mes sons, y'a que les vrais qui sont visés, frère. Écoute, c'est pour Merteuil, Sotro, les raps, Zakiri, Koudé, LK, Momo, Greg et Insa. Si, si, mon pote, RIFA, ouais. C'est pour tous les frères, tous les vrais, ouais. 8-900, sub-200, ça rentre pas là, cousin. Écoute ça, hein, dédicace. Au Mardi, ça la prod, si, si. RIFA, premier impact, ouais.